ok. D'ailleurs, Chine et nous ça. Deux facettes, deux facettes, deux facettes, deux facettes. Je suis pas bilingue, mais listen. Je retenais la plaque de la tube. Tu retenais tes leçons, t'es pas le seul. En tout cas, t'as eu raison. T'as pris d'argent de chapeau, t'étais au chaud. Moi, je gardais la pêche dans le froid. Le détail dans le shampoo. Moi, j'étais au champagne, toi encore au champomie. Toi, c'était la gastro, moi l'agnole, tu me faisais vomir. En vrai, laisse-moi te dire que c'est bête. Tu regardais la une, moi la rue. Quand c'était chasse et pêche, ça faisait longtemps que je faisais plus de foot. Quand c'était tac les presses, ça faisait longtemps que je faisais plus de foot. Quand c'était tac les presses, bref. Tu veux savoir comment il est mon futur à moi? Baiser comme le robot de Futurama. Dans tous ces bordels, tu perds plus que tu rasmas. Pour l'œil à Hamza, lance pas l'instru, pas tes potes et j'rappe ça. Y'a que ma feuille qui est blanche, j'consomme pas de rabra. Le Yankee qui se frappe, t'es Jira, c'est la rabla. Pour que j'te cisaille, SS mèche, pour que j'te cisaille. Mes peines champures comme le sang mèche, avec la OCB qui est cristal. Putain j'écris sale, c'est pas la boule, mais la bouteille qui est cristal. Je veux pas être un divan, cette vie a trop bon. La haine me met la tique, j'en ai marre, mal de débat. Dans la vie y'a des voyous comme des mecs bien. Des voyelles, des meufs pleines et des mecs en chien. Je veux pas être un divan, cette vie a trop bon. La haine me met la tique, j'en ai marre, mal de débat. Dans la vie y'a des voyous comme des mecs bien. Des voyelles, des meufs pleines et des mecs en chien. J'suis un bonhomme, j'baisserai pas mon caleçon. Garçon, toujours au collège à apprendre mes leçons. Laissons le taf de maçon aux mecs qui n'ont pas d'avenir. J't'avertis, ne touche pas mon cul comme un clavier. QRT t'es marron, marrant et lui blanc, agaçant. Mais devant la juge, il aura toujours raison. Parce que t'es basané, en gros, mal barré. T'es un mec d'un mélopé, j'y ne le vois pas, c'était là. Et si t'es au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est direct. Dans la vie. Après ça c'est pas comme le Monopoly. Y'aura pas de casse départ. Ouais, cache des morts d'un coup. J'sais pas pourquoi j'entends quelques chansonner réveillées par le cellulaire. Oublié ce qui est dit avant, c'était un rêve. Et maintenant voici ma vraie vie. J'm'appelle Yanis et j'ai 15 piges. J'veux pas être un divan, cette vie a trop bon. La haine me met la tique, j'en ai marre, mal de débat. Dans la vie y'a des voyous comme des mecs bien. Des voyelles, des meufs pleines et des mecs en chien. Je veux pas être un divan, cette vie a trop bon. La haine me met la tique, j'en ai marre, mal de débat. Dans la vie y'a des voyous comme des mecs bien. Des voyelles, des meufs pleines et des mecs en chien. Ils peuvent penser qu'y'a rien qui nous relie, nous réunisse. Mais nous c'est la famille, dans le rap on peut réussir. Ryder, tu et moi, c'est le rap qui nous réunit. Démunis, c'est la rue qui nous bannit. Remarque, on fait pas de remarques sans faire les marques. Mais si on veut, on se fait remarquer. C'est le rap que je canne à ta vie, on peut la couper. Comme nos couplets sur le B.E.A.T. Connard, si t'as si des bites, t'es un crétin. Et putain, une putain n'a pas le droit à la critique. Nos beats, on leur met dans leur fouffin. Profond comme l'alias dans le couffin. T'étouffe, pas de raffinement, mon allégouffe. Ça commence par un coup de rien et finit par un coup de rein. Pas besoin de ton coup de main. Écoute bien, ces deux dernières me ont un goût de fin. J'veux pas être un divan, cette vie a trop bon. La haine me met la tique, j'en ai marre, mal de débat. Dans la vie y'a des voyous comme des mecs bien. Des voyelles, des meufs pleines et des mecs en chien. J'veux pas être un divan, cette vie a trop bon. La haine me met la tique, j'en ai marre, mal de débat. Dans la vie y'a des voyous comme des mecs bien. Des voyelles, des meufs pleines et des mecs en chien. Double facette, Kayertine et même ça. Tu connais 835, on est solidaire, on est solidaire, aïe, on est solidaire, aïe, on est solidaire, aïe, on est solidaire. 835, tu leur nie nous, on est solidaire. On est solidaire, ouais, on est solidaire. On rappe à deux, mais mentalité de solidaire.